arriver. Oula, il y a comme qui dirait un troupeau de journalistes devant l'entrée. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Laissez-moi là, je vous appellerai pour venir me chercher. Ok. S'il vous plaît. Madame Gall, s'il vous plaît. Trois questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai aucun commentaire à faire concernant Monsieur Le Biais. Je n'en sais pas plus que quiconque le concernant. Néanmoins, je suivrai cette affaire de près, en laissant la police faire son enquête. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais rendre visite à mon confrère, merci. Paul. Quoi? Tu es très demandé à ce que je vois. Je fais la une de tous les journaux depuis ce matin et c'est tout ce que tu trouves à me dire. Un bonjour pour commencer, ce serait pas trop. Je ne passe pas un bonjour. On me traite de voleur dans tous les articles. Oh, mais c'est rien qu'une petite affaire, ça. Dans deux semaines, ce sera oublié. Eh bien non, figure-toi. J'ai une conférence de presse dans 10 minutes, les gens sauront tout. Je vais tout déballer. Mais calme-toi, on va tout arranger. Tout arranger. Non, c'est trop tard maintenant. Je ne peux que tout avouer pour éviter une peine trop lourde. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, vraiment? Pourtant, c'est toi qu'on accuse? Tu m'avais assuré que c'était légal. J'ai jamais dit ça, enfin. Tu te fous de moi? Calme-toi, Paul. C'est toi qui m'as parlé de ce fonds d'investissement et de l'article. Je t'ai jamais dit que c'était légal. Je t'ai dit qu'il était difficile d'inculper qui que ce soit de ce genre d'histoire et que nous n'aurions pas à avoir affaire à la justice. Ah oui, mon appartement est sous mandat de perquisition, les journalistes encerclent la mairie et tout ce que tu trouves à faire, c'est jouer sur les mots. L'opinion publique me condamne déjà. Même si je suis disculpé, ma carrière va en prendre un coup. Mais l'opinion publique, on s'en fout, Paul. Les électeurs font toujours des procès d'intention. Dès qu'un politique est accusé de quoi que ce soit, c'est simple, il est coupable. Parle pour toi. T'es habitué, hein. De quoi tu parles? Tu vois très bien de quoi je parle. Cette affaire d'emploi fictif il y a 12 ans, tu crois que les électeurs l'oublient? Mais bien sûr qu'ils l'ont oublié. Le non-lieu a été prononcé, et ça n'a pas empêché les gens de me réélire. Donc tu les prends pour des cons? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Simplement, la popularité, ça peut remonter. Alors ça prend du temps, d'accord, mais une bonne com peut te refaire gagner une élection. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Te foutre de moi? Me voir plonger? Ou tu veux reprendre ton poste? Aux prochaines élections? Oh, mais dis pas de bêtises, Paul, hein. J'ai un peu plus d'ambition que ça, quand même. Je suis venu m'assurer que tu ne faisais pas de conneries, voilà. T'es stressé, désorienté, c'est le moment de recevoir des conseils éclairés, tu penses pas? Oh, puis arrête de boire. Je n'ai aucun conseil à recevoir de toi. Ah bon, tu crois? Depuis que je te connais, tu m'as causé que des emmerdes, c'est fini. C'était la dernière fois que je t'écoutais. Moi, je ne t'ai causé que des emmerdes. Parfaitement. Ah, la merde, comme tu dis. Je t'en ai sorti. Voilà ce que je t'ai causé. Sans moi, tu serais encore au renseignement intérieur, à taper des rapports et trier des dossiers. Jamais tu n'aurais eu une carrière comme celle-ci, hein, si j'avais pas été là. Oublie l'appartement de fonction, le garde du corps, le salaire, la reconnaissance. Tu serais encore dans ton appartement miteux du 8e à manger des pâtes, si je t'avais pas causé ces emmerdes-là. C'est vrai. Merci pour l'absence de vie privée. Merci pour l'affaire du bel hôtel. Oh pitié, mais tu vas pas recommencer. Ça aussi, les électeurs ne m'ont pas oublié. Mon ex-femme non plus, d'ailleurs. Mais ça n'a rien à voir. Il s'agissait de vie privée, là, d'intime. Il y avait rien d'illégal. Ça change rien, on va continuer de dire ces deux-là trafiquent encore ensemble. Je te répète, Paul, que dans 2 semaines, ce sera oublié. On débat en ce moment à l'Assemblée un nouveau projet de loi. Tu crois que les journalistes n'auront encore quelque chose à faire de tes petites histoires? Oui, parce que dans 5 minutes, j'aurai une dizaine de caméras braquées sur moi et je déballerai tout. Certainement pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'année prochaine, c'est les présidentielles et que je serai candidate. Voilà pourquoi. Toi? Ouais, exactement. Alors, je pensais pas te l'annoncer dans ces circonstances, mais visiblement, tu me laisses pas le choix. Hein. Alors, si tu veux le ministère de l'Intérieur, t'as intérêt à la boucler. Et tu crois que tu seras élue? Bah, c'est bien parti pour. Les sondages me donnent favorite. Et j'ai quelques atouts que je garde soigneusement dans ma manche pour quand la campagne sera lancée. T'as des dossiers sur tout le monde, hein. J'ai toujours de très bonnes relations renseignement intérieur, contrairement à toi. C'est qui? C'est Matineau? On s'en fout! On s'en fout de savoir qui c'est! La question actuelle, c'est ce que tu vas dire à la presse dans 2 secondes. T'es sur le point de s'aborder ta carrière, Paul. Plus aucun parti voudra de toi après ça. Très bien, je me présenterai sans étiquette. Mais oui, bien sûr. Et où ça? Dans le bled le plus paumé de France? Tu crois que tu pourras mener une campagne sans soutien? Je suis prêt à prendre le risque. Arrête tes délires, hein, Paul. Reviens un peu à la réalité, reviens un peu sur terre, franchement. Ce genre d'accusation, ça arrive à tout le monde en politique. Alors tu vas appeler Maître Lenoir, qui me défend très bien depuis 15 ans, et tu vas continuer à être maire et futur ministre de l'Intérieur. J'ai déjà une avocate. Oui, et elle est nulle. Non mais excuse-moi, mais si tu m'avais écouté un peu plus tôt, tu n'aurais pas une telle pension à payer. Paul, si je fais ça, là, c'est pour ton bien. T'es mon ami, et j'ai pas envie de te voir abandonner ta carrière pour des bêtises. Je suis passée par là, moi aussi, et j'en serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui si je m'étais pas battue pour conserver mes acquis. Aujourd'hui, c'est à ton tour, et dans 2 jours, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Il est solide, ton avocat ? C'est le meilleur. Il est cher, mais je t'assure qu'il en vaut le coup. Tout est en place, monsieur. La presse vous attend. J'arrive. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Paul. Tu peux encore faire machine arrière. Bonsoir à tous, merci. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence improvisée. Je remercie tout d'abord le personnel de la mairie de l'avoir organisée et merci à vous d'être ici ce soir. Vous le savez, je fais l'objet d'une enquête judiciaire depuis ce matin et je suis convoqué au commissariat du 1er arrondissement demain matin. Je suis prêt à offrir mon entière collaboration au service de police pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Pour être franc avec vous, Il s'agit d'une accusation mensongère à mon égard. Je me suis toujours battu pour l'intérêt des Lyonnais et de la France. Et je compte bien continuer ainsi. Pendant ces 2 années et même auparavant, j'ai fait tout mon possible pour servir ma ville. Et cette accusation, cette calomnie diffamatoire ne m'empêchera pas de continuer à me battre pour l'intérêt des Lyonnais. Car ce n'est pas seulement moi qui ai été mis en cause dans cette affaire, c'est également la fonction que je représente, le projet que je porte. Ce qui a été mis en lumière depuis ce matin, c'est que mes opposants ne reculent devant rien pour me barrer la route et celle que nos concitoyens ont choisie. Nos espérances ne doivent pas être entachées par ces médisances. Vive la République et vive la France.